بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 96 leçon. Une précision par rapport au DERS qui touche à la purification dans les eaux, qui était le 94e DERS, on avait parlé que l'eau, lorsqu'elle changeait de nature, elle ne devenait plus purifiante. Et ça, ce n'est pas valable dans l'absolu, car des fois, l'eau peut changer de couleur, par exemple, par une chose qui est purifiante, et elle reste purifiante, comme par exemple l'eau qui est mélangée avec de la terre. L'eau qui est mélangée avec de la terre, par exemple, des fois, elle peut avoir une couleur marron, ou ce genre de choses, l'eau reste purifiante. Nous, on parlait des choses qui sont pures, mais non purifiantes. Comme par exemple, comme on l'a dit, que le sirop, avec du thé, ou avec du café, à la base, le café, c'est une chose qui est pure, mais qui n'est pas purifiante. Mais si elle se mélange à une chose qui reste purifiante comme la terre, car on fait taillamon, mes ablutions sèchent avec la terre, comme cela va venir, Inch'Allah, l'eau reste purifiante, même si elle n'est plus transparente. Même que son goût a un goût de terre, elle reste purifiante quand même. Car on appelle toujours ça comme étant de l'eau. Mais une fois qu'elle s'est mélangée, par exemple, au café ou au thé, elle ne s'appelle plus eau, elle s'appelle café. Elle s'appelle thé. Ou elle s'appelle bouillon. Ou elle s'appelle sirop. Mais ce n'est plus de l'eau. En espérant que cela soit assimilé. Notre rôle, l'IOM, donc comme on l'a dit dans le 96e DERS. قال المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال الخامس والسبعين وسبعمية 735e question. ما هي نواقض الوضوء؟ Quelles sont les choses qui annulent les ablutions? Car on a appris comment faire les ablutions, maintenant ces ablutions-là, elles ne sont pas continues. Elles sont amenées à être interrompues et à être annulées par des choses. Quelles sont-elles? L'auteur va les citer. La preuve, c'est... En premier lieu, il dit qu'elles sont de sept. Certaines sont sujets à divergence et d'autres sont sujets d'unanimité. En premier lieu, il y a Al-Kharij min Qubul wa Dubur, qu'on appelle Kharij Sabilein, tout ce qui sort de l'anus ou du pénis, ou alors du vagin pour la femme, qui sort des orifices, on va dire, inférieurs. Et le dalil, c'est le hadith d'Abu Huraira, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'on dit « La yakbalu Allahu salat ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda » Que Allah n'accepte que la salat d'aucun d'entre vous, si jamais il a eu ce qu'on appelle un hadith, c'est le fait qu'une chose soit sortie. D'accord? Ou par devant ou par derrière. On appelle un hadith. Donc si une chose sort de l'un des orifices inférieurs, d'accord, il doit refaire l'ozo. Car Allah n'acceptera pas sa salat. Le hadith, il est « muttafaqun alayhi ». Après, il dit « el-noum el-mustaghliq », le sommeil profond, celui qui fasse qu'on ne sait plus ce qui se passe autour de nous. Contrairement au sommeil léger qui, lui, n'annule pas les ablutions. Comme dans le hadith de Sofwan ibn Assal, radiallahu anhu, « Qala, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya'muruna izekunna safarana, alananza'a khifafana, salasta ayyam, wa layyala yahunna illa min janabah, walaki min ghait, wa boul, wa noum. » Rawahu al-Tirmizi. Qui le dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait lorsqu'on était en voyage de garder nos khoufs, c'est-à-dire les pantoufles, les chaussettes de cuir, durant 3 jours et 3 nuits, qu'on ne les enlève pas, sauf pour la janaba, qui est l'impureté majeure, ou pour juste pour la janaba, mais cependant pour le sommeil, ou pour le fait d'avoir fait les grands besoins et les petits besoins, on ne les enlève pas, c'est-à-dire on passe la main dessus, comme cela va venir, Inch'Allah. Par contre, pour la janaba, on les enlève. Donc le shahid, là, ce qui nous concerne dans le hadith, il a dit, ce qui touche aux grands besoins, aux petits besoins et au sommeil, le fait de dormir. Ce qui prouve que cela annule les ablutions. Après, il dit, en troisième annulatif, la janaba, ce qu'on appelle l'impureté majeure. Et la preuve, c'est le hadith qu'on vient de prendre un instant. Et impureté majeure, comme par exemple, la sortie du sperme pour l'homme ou pour la femme, car malgré tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire en français, en arabe, la femme, elle est également ce qu'on appelle un mani. Un liquide qui est appelé mani. Et le mani, à la base, en français, on appelle ça le sperme. Et également, lorsque la femme, elle a ses menstrues. Donc cela annule les ablutions. Après, il dit « akl lahm libil », le fait de manger de la chair de chameau. Et ça, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas unanimité. Par contre, les sujets précédents, le sommeil profond, la sortie des orifices, tout cela, ça c'est sujet à unanimité. La viande de chameau, ce n'est pas unanime, mais c'est l'avis qui est le plus fort. Comme dans le hadith de Jabir ibn Samurah, radiallahu anhu, un rajoulan s'a'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a atawaddao min luhum al-ibil, qu'a'ala na'am. Qu'un homme lui a dit, dois-je faire l'ouzo, mes ablutions, pour avoir mangé de la chair de chameau? Il a dit oui. Le hadith rapporté par Muslim. Et cela est valable également pour une sauce, un bouillon qui serait fait à base de la chair de chameau. On refait les ablutions. Par contre, boire son lait ou boire son urine, cela ne concerne pas la chair, cela n'annule pas les ablutions. Allahu ta'ala alam. Après, il cite en sixième, en cinquième, mas azakar, le fait de toucher le pénis. Et ça également, c'est un sujet de divergence. Et l'avis le plus fort, c'est que cela annule les ablutions. Et au pire des cas, la personne prend l'avis le plus prudent et refait ses ablutions. Wad dalil ou hadith Busra bint Safwan radiallahu anha. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليصلي حتى يتوضا. Que celui qui touche son pénis, alors qu'il ne fasse pas la salat, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Dans une version également, cela concerne pour la femme son vagin. Cela est également le même jugement pour la femme. Car dans un terme, c'est venu al-faraj. Même al-farj. Et al-farj, c'est ce qui touche justement la partie intime, pour l'homme comme pour la femme. Après, en sixième, ridda, l'apostasie. Kafikulillah azza wa jal, wa man yakfur bil iman, faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirah min al khasirin. Que celui qui mécroit après avoir eu la foi, celui-là, ses œuvres sont toutes annulées et il est dans l'au-delà parmi les perdants. Al-Ma'ida, la Sourate Al-Sa'd, verset 5. Donc il a dit ses œuvres sont annulées, donc les ulama disent ses ablutions sont annulées également. Et ça, c'est aussi un sujet qui n'est pas à l'unanimité. Et le septième, zawal al-aql, qui est le fait de perdre connaissance, comme de s'évanouir ou les adhikas. Et ça, c'est sujet à unanimité. Et le dalil, c'est le hadith de Aïcha, lorsqu'elle parla des jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il, justement, il s'évanouissait. Et à chaque fois qu'il se retrouvait la conscience, il refaisait ses ablutions pour la salat. Quoi qu'il en soit, le sujet, cette question-là, est sujet à ijma, unanimité. Donc le récapitulatif de ces annulatifs sont tout ce qui sort des deux orifices inférieurs, le sommeil profond, l'impureté majeure, le fait de manger de la viande de chameau, de la chair de chameau, le fait de se toucher le pénis ou même le vagin pour la femme, l'apostasie et le fait de perdre connaissance. Naam. ثم قال في السؤال السادس والسبعين بعد سبعمية 776 question إذا أسلم الكافر فهل يغتسل؟ Lorsque le mécréant vient à se convertir à l'islam, doit-il faire un roussel, un lavage comme on dit? Et la réponse est نعم. Et le dalil c'est le hadith de Qais ibn Asim رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. Que Abu Asim, Qais ibn Asim, lorsqu'il s'est converti, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui ordonnait de se laver avec de l'eau et du cidre. C'est ce qu'on appelle du jujubier en français. Et ce sujet-là également est un sujet à divergence entre les imams. Est-ce que cela est obligatoire ou pas? Certains voient que c'est obligatoire, certains voient que c'est une chose qui est recommandable, et d'autres qui voient que c'est une chose qui est permise. Non. Et cela ne remet pas en compte la validité de l'islam. Alors quelqu'un, par exemple, s'est converti, il a oublié de se faire son lavage, cela ne veut pas dire qu'il doit refaire sa conversion. Voilà. Ou quand bien même, on dit que par la suite, il se serait lavé pour le Jumu'ah ou pour avoir la Janaba ou ce genre de choses, il n'a pas à refaire ce lavage. Là, on parle du lavage lorsqu'il fait la Shahada tout de suite. Après, s'il oublie et qu'entre temps, il s'est lavé pour la religion, cela aura comblé. Inch'Allah ta'ala, il n'a pas à le refaire. Non. فهذا الذي أخذنا اليوم والحمد لله رب العالمين